punk à chien, bien souvent que je me sens seul. Attaché au cul du camion, en plein soleil sur le bitume. Pendant que mon punk boit des canons, je compte les heures, j'attends la lune. Attaché au cul du camion, en plein soleil sur le bitume. Pendant que mon punk boit des canons, je compte les heures, j'attends la lune. C'est la chaleur qui est la plus forte, je commence à pleurer sur mon sort. Je suis un chien, une nature morte, mon boss me cogne toujours encore. Mon punk écluse sa dernière bière. Je suis foutu, j'ai le cœur qui lâche. Je regarde mon sang qui coule par terre. Pendant que l'autre con gueule mort aux vaches. Mon punk écluse sa dernière bière. Je suis foutu, j'ai le cœur qui lâche. Regarde mon sang qui coule par terre. Pendant que l'autre con gueule mort aux vaches. Un chien est mort au festival, c'était sûrement le prix du sang. Un autre chien pour le carnaval, pour compléter le déguisement. Je suis le chien du punk à chien. Un coup de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien du punk à chien. Et bien souvent je me sens seul. Je suis le chien du punk à chien, à coup de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien du punk à chien, et bien souvent je me sens seul. Un chien est mort au festival, c'était sûrement le prix du sang. Un autre chien pour le carnaval, pour compléter le déguisement. Je suis le chien du punk à chien, à coup de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien de punk à chien, et bien souvent je me sens seul.